车。 Jeff。J'ai de la frappe, j'ai de la crise, c'est du produit qui va. On vide les chargeurs normal que les tirafes. Regarde pas comme ça, tu sais ce que ça déclenche. J'ai en tarme blanche à égorger une girafe. J'ai pris ton raté, t'as du mal à l'admettre. La chouin t'a plainté, t'as du mal à la mettre. Tu transpires la nuit quand le passé te rattrape. Chaud comme un pilon, frappe entre deux alamettes. Y'a mon arme, mon fils et du son dans mon fer. Plus le temps de faire la guerre, ça dure 100 ans mon frère. Ils veulent tous ma vie, ils pourraient pas faire plus. C'est des tapins de qui mettent du son dans mon verre. L'ennemi c'est comme le mec tout bon l'empoigne. La calande chargée, on passerait bien sans doigt. Transaction Marseille, trouve-moi bien entouré. Tu peux me croiser bourré sur la vue Saint-Antoine. Ramène du produit quand la pute est lassée. On s'est chauffé le pilon, détaillé lassé. On encaisse le hat, c'est dormir à l'étroit. Dans le 9-3, c'est comme apprendre à faire ses lacets. Dernier roi d'Écosse, la mort qui frôle les gosses. Méfie-toi des longs mecs, des petits gros féroces. Faire pas tard le soir, tu peux croiser des tigres qu'en France des barrages comme des rhinocéros. Formule 200 par mois, tu vas te faire ailler. Tout sous calumé, bourré dans ce Cheyenne. C'est toi le capitaine, on va te jeter de l'avion. Fais le bonhomme comme un lion, va te mêler comme des hyènes. Du pétrole dans le sous-sol, commence à forer. Des fois, on menace tout le monde comme la Corée. Achète-t'en en lingerie, rappelle à un petit frère, fais des singeries pour être le boss de la forêt. Prends l'oseille, envoie la lionne faire les courses. Trésor de pièces d'or à son blindé les bois. T'es né dans la ruche des abeilles et du miel, frère, il faudra pas longtemps pour croiser des ours. Donc quand ça nisse à enchaîner sur les poids, on les cuisine, on sauce, on mange, on les boit. T'as sous-estimé fort l'appétit des loups, arrête, j'ai fait 800, prends nous dans les bois. Continue de papoter, tu vas la sentir. Mais franchise Annie, pas d'empereur dans l'empire. T'as dit, on se refait, on est mort, on revit, balle en argent, c'est Buffy contre les vampires. C'est sombre comme Sarcelle et le 80 de Jean. De meurtre le vin, sans frérot, va mieux qu'un. T'es mort à Ternan. Si t'as foiré pour la rue, c'est noir et blanc, des orques et des requins. Tiens.